Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue et on dit au revoir à Manu que l'on retrouve bien sûr lundi prochain pour Another Rock, 19h30. Bienvenue à vous pour cette nouvelle émission, ce nouveau numéro de l'Arena. Très heureux de vous retrouver pour cette émission. On est le 3 décembre, lundi 3 décembre, un peu plus de 21h30 et on est ensemble jusqu'à 23h, 23h15, 23h30. Hein, le temps d'évoquer tout ce qu'on a à voir, beaucoup de choses. Hein. Évidemment, en direct, c'est le Ballon d'Or, la cérémonie du Ballon d'Or qui a démarré au Grand Palais à Paris et qui récompensera évidemment le meilleur joueur du monde. On vous donnera donc le top 10 qui a démarré hein, et on vous révélera bien sûr ce top 10. Et puis évidemment, on parlera aussi des Français, Kylian Mbappé qui a remporté tout à l'heure le trophée Copa qui récompense le meilleur jeune. Et puis on parlera aussi bien sûr d'Antoine Griezmann et puis Raphaël Varane qui eux concourent encore pour le Ballon d'Or avec Luka Modric qui évidemment font partie aussi des favoris. Ça ce sera donc tout au long de cette soirée en fil rouge. On suivra Ballon d'Or et puis le Ballon d'Or féminin aussi qui fait son apparition concours France Football et bien sûr on en parlera aussi. La Ligue 1 bien sûr du week-end, on reviendra sur la journée, le premier faux pas de Paris tenu en échec de partout hier face à Bordeaux. On va revenir aussi sur la journée en Ligue 2 avec Orléans. On parlera de rugby top 14, on parlera de basket, on parlera de handball avec l'Euro féminin qui avait démarré pour les Françaises avec une victoire et une défaite. Et puis aussi bien sûr actualité des sports l'hiver, ski alpin et biathlon où la saison a très bien démarré pour les Français et Françaises puisqu'ils ont remporté hier le relais mixte, le premier relais mixte de la saison qui avait lieu hier à Pokljuka en Slovénie. Et on va revenir donc sur la première performance des Français sur ce début de Coupe du Monde. Voilà pour le programme. Les directs, bien sûr, on l'a dit, le Ballon d'Or, ça c'est en fil rouge. On vous donne bien sûr en direct toutes les infos. Et puis du foot, on aura en Ligue 2 un match de la 17e journée qui est commencé depuis un peu plus d'une demi-heure. Auxerre, 13e face à Lorient, 3e, 0-0. Donc après 37 minutes de jeu en Espagne, même temps et même score, 0-0, 38e entre l'Evente et l'Atlético Bilbao. En Allemagne, c'est le Bayer Leverkusen qui mène 1-0 sur la pelouse de Nuremberg. C'est la deuxième période qui vient de commencer. Et puis en Italie, l'Atalanta Bergame qui reçoit le Napoli, deuxième. C'est Naples qui mène 1-0 à la pause. Et puis bien sûr, du basket, on en parle aussi avec le direct habituel en Jeep Elite. Ce soir, il s'agit de la... la 11e journée avec la rencontre donc entre Cholet et Antibes. Et bien sûr, on en rediscute juste après. Voilà pour les directs et bien sûr des sons tout au long de cette soirée. Jérôme peut-être avec nous en direct pour revenir sur l'actualité foot. On espère qu'il sera avec nous tout à l'heure. Et puis donc d'ici là, plein de sons. Comme d'habitude, vous nous donnez vos sons sur Facebook pour savoir si vous avez envie d'écouter des choses. Vous nous le dites. Sinon, vous pouvez donc bien sûr nous contacter sur Facebook pour plein d'autres choses, pour évoquer un sujet. Et puis, vous pouvez nous téléphoner également pour évoquer un sujet. Donc on rappelle le numéro 02 38 434 800 pour donc nous joindre en direct. Vous passez à l'antenne, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà pour les contacts. Et puis pour nous écouter, on rappelle deux possibilités. D'abord, vous avez évidemment le 96.2 FM et puis sinon il y a aussi le site radioarc-en-ciel.fr pour écouter le live partout en France ou dans le monde même. Vous pouvez évidemment tester le site pour écouter le direct. Allez, une première pause et puis juste après, c'est parti pour la première partie. On rappelle donc le Ballon d'Or, on reste en direct pour vous donner toutes les infos en direct du Grand Palais de Paris. où cette cérémonie a démarré depuis trois quarts d'heure. Et donc on va dérouler juste après le début du top 10 et rappeler aussi ceux qui... alors que l'on a le ballon d'or féminin qui vient d'être remis à l'instant, on va en parler. Alors, c'est pas une française malheureusement qui s'impose, mais on en parle juste après ce premier son des Jacksons, pas des Jackson 5 mais des Jackson. On vous expliquera, on vous expliquera comment après. Et donc juste après ça, évidemment, on redéroulera le programme. Et puis on démarrera donc avec le premier sujet. C'est parti donc pour les Jacksons et ce titre donc Can You Feel It. On écoute ça et on se retrouve juste après. À tout de suite. Jacksons avec ce titre Can You Feel It. Les Jacksons, c'est pas la Jackson 5, parce que ce titre qui a été enregistré sous le nom Jacksons, puisqu'il ne s'agit pas du groupe originel, puisqu'il y a un des membres qui est changé par rapport au groupe originel, hein. On rappelle que ce titre avait été enregistré après le début de la carrière solo de Michael Jackson. Il était revenu avec ses frères pour enregistrer ce titre, mais un des membres n'était pas le même frère, et ce qui fait que voilà, le groupe ne pouvait pas s'appeler les Jackson 5, mais les Jackson, tout voilà, cette modification du nom. Voilà pour la petite anecdote. Retour avec donc la suite, première partie tout de suite. On va revenir sur donc ce Ballon d'Or, évidemment, on a voilà des infos qui arrivent bien sûr continuellement. On a le Ballon d'Or féminin qui a été attribué à Ada Hegerberg, la Norvégienne qui évolue l'Olympique Lyonnais à 23 ans. Donc c'est elle qui a remporté le premier Ballon d'Or France Football féminin de l'histoire, et donc on rappelle qu'elle a donc remporté cette année notamment la Ligue des Champions avec Lyon. Donc 31 buts en première division et 15 buts en Ligue des Champions, dont un en finale contre Wolfsburg, on rappelle 4-1. Et donc elle démarre aussi une nouvelle saison avec 12 buts en C1 et 4 en 12 buts en D1 pardon, et 4 en C1 depuis le début de cette saison. Et notamment donc elle avait 5 de ses coéquipières, même 6 pardon, de Lyon, contre qui elle était en concurrence: Wendy Renard, Amandine Henry, les Françaises, Majri, Koumagay, Marozan et Bronze, qui était aussi nominée pour ce titre. Et c'est elle finalement qui a été élue avec un jury de 45 journalistes du Monde. Donc 185 buts en 149 matchs depuis son arrivée à Lyon en 2014. Des stats énormes. Voilà, en tout cas pour l'instant, elle souhaite un triplé, notamment cette année avec la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe de France. Pourquoi pas? Et en tout cas, le bémol, c'est qu'elle devrait être absente de la Coupe du Monde en France l'année prochaine, puisque elle s'est mise en retrait de cette sélection norvégienne depuis maintenant un an et demi, avec notamment des désaccords avec sa fédération. Donc sauf ce retournement de situation, on ne verrait pas cette joueuse malheureusement en France. On rappelle le mondial qui aura lieu du 7 juin au 7 juillet prochain, mondial en France bien sûr. Voilà donc pour le Ballon d'Or féminin. Puis chez les hommes, ça continue de dérouler. On a le top 10 qui se déroule. Donc on va commencer avec la 10e place, c'est Harry Kane, donc qui a été classé 10e donc par les journalistes du monde, donc l'attaquant de Tottenham, notamment demi-finale avec l'Angleterre en Coupe du Monde, dont il a fini meilleur buteur de cette compétition. Donc numéro 10e place pour lui. Voilà, et puis aux portes du top 10, eh bien c'est malheureusement N'Golo Kanté qui est terminé au pied du top 10. Donc 11e, 10e on va dire, et 9e place pour Kevin De Bruyne. Voilà, le Belge qui joue notamment Manchester City, eh bien termine à cette 7e place. Voilà, on a une 6e place pour Mohamed Salah. Mohamed Salah, donc pardon, on revient sur sur la 7e avec Raphaël Varane, donc le 3e français dans le top 10 pour l'instant, c'est Raphaël Varane qui est 7e vainqueur de la Ligue des Champions et avec le Real, et bien sûr Coupe du Monde avec les Bleus. C'est le seul joueur qui a remporté les deux compétitions. Malheureusement, il n'est que 7e, aussi dû bien sûr par sa position de défenseur. Donc voilà, il est 7e pour le moment, le français. Et puis donc on a dit 6e Mohamed Salah, 6e meilleur joueur de la première ligue, notamment l'attaquant égyptien de Liverpool qui a atteint la finale de la Ligue des Champions la saison passée. Voilà, donc il est 6e pardon de ce classement. Et puis 5e, c'est Lionel Messi qui est seulement 5e sur cette édition. 5 fois vainqueur du trophée, on le rappelle. Et il n'a pas réussi à amener son équipe au-delà des 8e de finale de la Coupe du Monde en juin dernier. Donc vainqueur, champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe d'Espagne, mais éliminé en quart de finale de Ligue des Champions avec le Barça notamment. Il n'a pas remporté de la moindre grande compétition. Donc voilà pourquoi il n'est que 5e de ce classement l'Argentin. Et puis on attend bien sûr le top 4, hein, le top 4 qui sera évidemment composé de Kylian Mbappé. Il sera aussi composé bien sûr de Luka Modric, d'Antoine Griezmann. Et je suis en train de chercher le 4e que je ne trouve pas, qui sera aussi bien sûr dans ce classement. Et à savoir le podium évidemment. On aura la réponse dans quelques minutes, hein, pour savoir qui va prendre cette place. On va le voir dans les minutes qui arrivent, ça va pas tarder à arriver. En tout cas, on attend avec impatience ce dénouement. Allez, on va commencer nous le programme donc avec des résultats de ski, de ski de sport d'hiver. On va commencer avec le ski alpin, pardon, on va y arriver. Ski alpin avec une information avant de démarrer. Les épreuves qui devaient avoir lieu au Val d'Isère, ce qui devait avoir lieu du 14 au 16 décembre, sont annulées malheureusement. Ce qui comptait pour la Coupe du Monde féminine ont été annulées en raison du manque de neige sur la station. Donc il y avait notamment une combinée descente super G. 14, 15 et 16 décembre prochains ont été donc annulés. Donc il ne devrait pas y avoir suffisamment de neige pour garantir toutes ces compétitions. Donc malheureusement, il a plu au-delà de 2000 mètres ce week-end et températures douces en ce moment à Val d'Isère ne permettront pas malheureusement d'organiser au mieux ces compétitions. Donc il n'y aura pas, elles ne sont pas reportées mais carrément annulées. Voilà, donc et puis en tout cas, les compétitions masculines qui auront lieu ce week-end sont pour l'instant maintenues. Voilà pour les infos de ce côté-là. Mais revenons sur les résultats du week-end. C'était une étape Beaver Creek qui se déroulait sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. D'abord une descente remportée par Beat Feuys, le Suisse. Les Français avec Adrien Théo 4e et Johan Claret 5e, donc un beau tiers groupé côté français sur cette descente. Le Super G de samedi remporté par Max Franz l'Autrichien. Les Français sont loin, Adrien Théo 11e Et puis le slalom géant d'hier, remporté par, non pas Marcel Hirscher, mais par Stefan Lutz, l'Allemand. Il remporte la course pour 14 centièmes d'avance sur Marcel Hirscher, donc l'Autrichien deuxième, Christopherson quatrième, Mathieu Fèvre, premier français, et septième, un peu moins d'une seconde de retard sur l'Allemand. Voilà pour donc ces résultats du côté du ski alpin. Et puis c'était le début de la saison. Alors juste avant, pardon, de parler de biathlon, bien sûr aussi ce qui se passe chez les femmes, puisqu'il n'y aura pas d'épreuve la semaine prochaine, mais il y en a eu quand même ce week-end, notamment à Lake Louise au Canada, où Michaela Schifrin s'est imposée lors du Super G. Une nouvelle fois, l'américaine s'est imposée hier donc sur cette épreuve du Super G. Et c'est sa troisième victoire déjà depuis le début de cette saison. Ce week-end, rendez-vous en Suisse pour les femmes. Super G et slalom seront au programme. Chez les hommes, eh bien, pour le moment, hein, on l'a dit, ça s'est maintenu pour le Val d'Isère. Samedi, dimanche, slalom géant et slalom au programme. Il faudra attendre le dernier moment, évidemment, pour annuler ou non ces compétitions. Voilà, pour être complet là-dessus. Le biathlon, donc, c'était le début de la saison de biathlon, on va y arriver, de la Coupe du Monde ce week-end, avec au programme deux épreuves pour l'instant, le relais mixte simple et le relais mixte. Alors le relais mixte simple, c'est une femme et un homme qui donc vont chacun concourir deux fois, hein. D'abord là, c'est d'abord la femme qui va commencer, puis l'homme qui va prendre le relais, et à nouveau la même chose une deuxième fois. Avec à chaque fois deux tirs, un couché, un debout. C'est la Norvège qui s'est imposée sur ce relais mixte simple, notamment avec une équipe composée de Brinley, la norvégienne, qui n'était pas forcément attendue. On attendait plutôt une Pirekov qui, elle, est pour l'instant hors catégorie. Et puis Lars Birkeland qui l'accompagnait. Les Autrichiens deuxième, Lisa Hauser, Simon Eder, l'Ukraine troisième, et puis la France quatrième au pied du podium avec Anaïs Chevalier et Antoine Guigona, notamment la faute à un tir debout un peu raté du côté d'Antoine Guigona, pardon, qui a un petit peu craqué sur le debout et qui a fait perdre ce podium aux Français, mais une quatrième place quand même plutôt sympa pour les Français pour démarrer la Coupe du Monde. Et puis ça s'est très bien passé pour le relais mixte champion olympique l'an dernier, on le rappelle, en début d'année, c'était en janvier. La France avec Anaïs Bescon, Justine Brezaz, Martin Fourcade et Simon Détieux. Brezaz qui remplaçait Marie Dorin par rapport au relais olympique, puisqu'elle, on rappelle, a mis un terme à sa carrière. Donc Justine Brezaz, donc qui a été deuxième derrière Anaïs Bescon, puis Martin Fourcade avait décidé, enfin plutôt l'équipe avait décidé d'engager Martin Fourcade à la troisième position et Simon Détieux en dernière position. La France, notamment avec une très bonne doublette française d'abord chez les filles, a permis à Martin Fourcade de s'élancer pas très très loin de la tête, et puis il a fait le boulot, le français, largement, pour laisser à Simon Détieux une avance confortable. Lui aussi a fait le boulot sur les tirs derrière la carabine, et c'est la France qui remporte ce premier relais mixte. On retrouve la Suisse en deuxième position, on n'attendait pas forcément ici, 38 secondes derrière, et puis l'Italie troisième, 52 secondes, avec une très belle équipe, hein, Vitozzi, Virer, Windisch et Hofer. La Russie seulement quatrième, et puis la Norvège sixième seulement. Les frères Bø n'ont pas été aidés par les norvégiennes Solemdal et Tandrevold, et ont pris le relais à presque 3 minutes, donc c'était déjà joué pour le podium. L'Allemagne 7e seulement, l'absence de Simon Schemm notamment n'a pas aidé. En tout cas, voilà pour le premier week-end de compétition qui se déroule, on l'a dit, à Pokljuka. Et puis donc ce sera cette semaine la suite, mercredi, premier individuel de la saison, donc ce sera mercredi pour les hommes, le 20 km, chez les femmes le jeudi le 15, et puis vendredi le sprint homme 10 km, donc vendredi après-midi, sprint femme 7,5 km, ce sera samedi, et puis les poursuites hommes et femmes dimanche, 12,5 chez les hommes, 10 chez les femmes. On a hâte bien sûr d'y être pour le début de la saison individuelle. Et ces relais étaient là pour mettre en jambe, mais on va vraiment rentrer dans le vif du sujet cette semaine avec les épreuves individuelles. On a hâte de voir le duel à nouveau Martin Foucault, Johannes Beuk, qui est très en forme, même s'il n'a pas pu trop le montrer sur le relais, puisqu'il était très loin de la tête, mais sur les temps de ski, il était plus que bon, il a été largement devant. Et on a hâte de voir ce que ça donne le duel entre ces deux hommes dès mercredi. Donc l'individuel, on rappelle l'individuel, c'est un format long, 20 km, 4 tirs à chaque fois, un couché, un debout, à nouveau un couché, un debout, avec des boucles assez longues. Donc ça se joue surtout sur la longueur, et on peut le dire, c'est la discipline favorite de Martin Fourcade. Donc on espère que ça va bien se passer pour lui et qu'il enchaîne un deuxième succès après ce relais mixte. Voilà donc pour cette semaine de compétition à Pokljuka. Puis la semaine prochaine, on ira du côté de Hochfilzen, pardon, en Autriche, pour une deuxième étape. Ça va s'enchaîner quasiment toutes les semaines, cette Coupe du Monde qui démarre très bien. Voilà pour le ski alpin, les sports d'hiver, alors qu'on est toujours en direct de la cérémonie du Ballon d'Or, où là on a accueilli les champions du monde français, en tout cas une partie. Ils n'étaient pas tous présents, on a vu bien sûr Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Didier Deschamps. On a vu également Thomas Lemar, Lucas Hernandez, voilà, qui était notamment présent, aux côtés de David Ginola, qui est le maître de cérémonie ce soir. Et on va passer, a priori, maintenant, après cette présentation, puisqu'il ne nous reste plus que ce top 3, ce podium, et ce top 4, puisqu'on n'a pas encore identité du quatrième. Je regarde, mais non, on n'a pas encore cette identité, donc on va patienter et attendre donc la suite de cette. Alors que là, voilà, on a la présentation d'Antoine Griezmann, de Kylian Mbappé à l'instant, de Luka Modric, et Cristiano Ronaldo, voilà, qui est bien sûr le quatrième. J'avais oublié tout à l'heure, mais évidemment, il est dans ce top 4. Alors on va attendre un petit peu, on a une pause, donc on va patienter pour savoir qui quatrième, puis bien sûr qui est sur le podium. Deux Français, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, qui semble peut-être le deuxième, un peu hors compétition, hors course, puisqu'il vient d'emporter le trophée Copa, qui récompense le meilleur jeune. Quoique, il pourrait doubler, ce serait juste énorme. Antoine Griezmann, Luka Modric et Cristiano Ronaldo. On rappelle que Lionel Messi est cinquième. On rappelle la suite, Mohamed Salah sixième, Raphaël Varane septième. Huitième place pour Eden Hazard. Neuvième, Kevin De Bruyne. Dixième, Harry Kane, et puis les autres Français. On avait six, donc on a déjà donné donc deux qui sont pour l'instant dans le top 4. On a dit N'Golo Kanté le troisième, qui lui est, on l'a dit, 11e au pied du podium. Malheureusement, le Français, hein, qui a pas réussi à aller plus loin. N'Golo Kanté 11e. Neymar, tiens, 12e aussi. Hein, on en parlait. Hein, donc Neymar est seulement 11e, 12e. Seulement, c'est déjà pas mal, mais il est, voilà, il est 12e. Et puis derrière, donc on rappelle aussi, bien sûr, Karim Benzema, qui est 17e. Aux côtés de Gareth Bale à égalité, et puis le Paul Pogba 15e, et puis le dernier Français, c'est Hugo Lloris, qui est 29e, et à la dernière place côté Disco à égalité. Donc c'est voilà, un petit peu une déception pour Hugo Lloris, enfin à mon sens, qui aurait peut-être mérité une meilleure place. D'autres gardiens étaient mieux classés. Voilà, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, il est dans le top 30, c'est déjà beaucoup. Et on va patienter pour voir maintenant où se situent nos deux derniers Français, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, aux côtés de Modric et donc de Cristiano Ronaldo. On poursuit nos directs, hein, bien sûr, hormis ce Ballon d'Or. On a évidemment des matchs en Ligue 2 à suivre. C'est la 17e journée, dernière rencontre de cette 17e journée. Auxerre, 13e, reçoit Lorient qui est troisième pour l'instant avant cette rencontre. 0-0, c'est le début de la seconde période depuis 5 minutes. En cas de succès, l'Orient reste à 3ème mais se rapprocherait surtout des deux premières places. Il reviendra à 1 point de Brest et à 2 points de Metz. Donc pour l'instant, c'est pas terminé. Auxerre peut réaliser un beau coup en s'imposant et remonter un petit peu au tableau. En Espagne, c'est Levante 9ème face à Bilbao 18ème. 1-0 pour Levante, logiquement avant la pause. On vient de reprendre à l'instant. En Allemagne, Nuremberg a égalisé face au Bayer Leverkusen 1 partout à 15 minutes du terme. En Italie, c'est aussi 1 partout puisque Bergame a égalisé face au Napoli 1 partout au dernier quart d'heure de jeu. Et puis donc ce ballon d'or, bien sûr, qu'on suit toujours en fil rouge. On va poursuivre avec évidemment tout de suite du handball pour plein d'infos. Handball, évidemment, handball chez les hommes. On va parler bien sûr de nos clubs de la région, mais évidemment aussi pour le handball féminin, puisqu'a démarré l'Euro féminin en France. C'était jeudi pour nos Françaises qui joueront demain. Nouveau, on va en parler. On va revenir d'abord sur leurs deux premières rencontres. Jeudi, c'était l'ouverture pour les Françaises à domicile. Une ouverture manquée, malheureusement, face à la Russie, qui est quand même pas la dernière équipe venue, hein, cette équipe russe. Et donc une défaite 26-23 pour démarrer, c'est à Nancy ce match d'ouverture. Les bleus, étaient à égalité à la pause, mais malheureusement une fin de match à l'avantage des Russes qui remportent cette affiche. Donc c'était jeudi pour lancer cet Euro. Et puis c'était beaucoup mieux hier face à la Slovénie, plus modeste équipe dans cet Euro. Victoire sans problème 30-21 pour les Françaises qui se rassurent. Et restera bien sûr un match demain face au Monténégro, qui est la dernière équipe de ce classement. Donc pour le moment, Russie 4 points en tête. Deuxième, c'est la France avec 2 points. Et Monténégro également 2 points. Troisième, la Slovénie, qui a perdu ses deux rencontres. Il faudra s'imposer demain pour tout simplement se qualifier pour. Alors ce sera mieux de s'imposer demain, évidemment, pour se qualifier pour le second tour. Le second tour de cet Euro. Donc on retrouvera les équipes avec les points pris face aux équipes qualifiées. Et puis on va retrancher les points remportés face aux équipes qui ne sont pas qualifiées. On reparlera de ce petit calcul qui n'est pas toujours simple à comprendre, c'est vrai. Lors des Euros hommes et femmes, c'est beaucoup plus simple au mondial, où on sort de poule et on va directement en 8ème de finale. C'est d'élimination directe. Mais c'est vrai que dans les Euros, on a un second tour de groupe qui n'est pas forcément simple à comprendre, mais on aura bien sûr tous les calculs lundi prochain, on refera le point. Donc sur ce deuxième tour, qui démarrera tout de suite en fait, et qui va s'enchaîner évidemment, et on aura l'occasion d'en reparler évidemment. Puisqu'on aura aussi bien sûr le mois prochain, ça va vite s'enchaîner, le mondial cette fois chez les hommes qui va démarrer très très vite, puisqu'il aura lieu le premier match pour les Bleus. Le 11 janvier, vous voyez, c'est dans presque un mois à peine, avec un groupe qui sera pas simple pour les Français. Allemagne, Brésil, Corée du Sud, Russie et Serbie. Bien sûr, on aura l'occasion d'en discuter. Ça démarre dans un peu plus d'un mois, ce mondial, où les Bleus, on rappelle, sont teneurs du titre. Il faudra évidemment faire aussi bien. On l'espère. On reparlera bien sûr de tout ça. Avant ça, chez les hommes, puisqu'on y est, on va y rester avec quelques résultats de cette journée, en Lidl Star League notamment. Où on va bien sûr continuer de jouer tout au long de ce mois. Chez les femmes, évidemment, on s'arrête pour l'Euro, mais ça continue chez les hommes. À noter quelques résultats de cette 11e journée, notamment victoire de Paris à l'extérieur logique. Nantes s'impose aussi à l'extérieur à Saint-Raphaël. Montpellier en fait de même à l'extérieur à Chambéry. Donc pour l'instant, pas de surprise, puisqu'en haut, c'est Nantes qui a repris la tête de ce classement avec 20 points, puisque Chambéry, ça y est, a perdu sa première rencontre de la saison, on l'a dit, donc puisqu'elle a perdu face à Montpellier, donc Chambéry n'est plus invaincu. Paris en revanche toujours invaincu, mais est 3ème seulement avec 19 points, avec une victoire à l'extérieur. Donc 20 points pour Nantes, 19 Chambéry, 19 pour Paris, 19 pour Nîmes aussi, hein, qui est toujours dans le coup après sa victoire à Dunkerque. Et puis Montpellier est 5ème avec 17 points. Voilà le classement provisoire de cette Lidl Star League. Ça se poursuit mercredi, toutes les rencontres mercredi notamment, alors pas tout à fait au même horaire, mais tout le monde jouera mercredi. Nantes jouera à 20h à Nîmes, Toulouse ira à Istres, Montpellier recevra Saint-Raphaël, et puis Paris recevra Chambéry pour un choc, hein, puisque les deux équipes sont au même nombre de points. Paris est invaincu. Chambéry vient de subir sa première défaite, ça risque d'être un beau choc, donc mercredi 20h45 à l'Al Carpentier à Paris. Pour cette affiche, c'est l'affiche de cette 12e journée de la Lidl Star League. Pour la Pro League, deuxième division, c'est Saran notamment, bien sûr. Saran qui donc poursuit aussi sa saison, qui a très bien démarré, qui a eu quelques accros donc lors de cette dernière rencontre. On rappelle, il y avait une défaite face à Chartres d'abord pour Saran, qui était la première défaite assez lourde en plus, hein, pour les Saranais, qui avaient perdu assez largement de 11 points face à Chartres à domicile. Et puis il y a une nouvelle défaite vendredi dernier sur le score de 32-28, là aussi à l'extérieur. Et puis cette fois, mercredi, Saran, qui jouait mercredi, normalement Saran qui joue toujours le vendredi, bah, pour une fois c'était mercredi. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Coupe de France dont on parlera après. Mercredi, Saran qui a bien rebondi après sa victoire face à Cherbourg, 38-29, c'était au Bois Joli à Saran. Donc ça va mieux pour Saran après deux revers. Donc il s'impose face à cette équipe. Et puis au classement, eh bien, c'est toujours Chartres qui est en tête avec 19 points, puisque Chartres s'est de nouveau imposé. Saran, deuxième, 17 points. Nancy, 17 points également. Donc pour l'instant, ça va quand même plutôt bien pour Saran, hein, qui est toujours deuxième de ce classement. Et puis ce week-end donc avait lieu le tour de Coupe de France pour Saran. C'était les 32e de finale seulement. C'était l'entrée en lice de Saran qui affrontait Vannes, équipe de N3 de 3e division. C'était le petit poussé de la compétition, et Saran notamment qui avait remanié son groupe et qui a été sérieux pour rejoindre le prochain tour. Victoire donc 32-39 pour Saran. Donc direction les 16e de finale qui auront lieu très vite le 15 décembre, c'est-à-dire samedi de la semaine prochaine. Et donc le tirage au sort sera demain pour savoir qui va affronter Saran, et pourquoi pas un grand de la Ligue de Star League, pourquoi pas Paris, pourquoi pas Montpellier, Nantes. On espère en tout cas de recevoir une grosse équipe donc lors de ces 16e de finale. On en reparlera bien sûr de ce tirage lundi prochain. Voilà pour Saran. Et puis Gien, on rappelle, qui pour l'instant est en trêve, hein, on l'avait dit, hein, qui va être en trêve encore un bon mois, et histoire de retravailler tous les petits points qui ont pu ne pas aller lors de la première phase. En tout cas, pour l'instant, Gien est bien avec une troisième place, et est en train de faire aussi bien en deuxième partie. Pour l'instant, c'est la trêve donc du côté de Gien en troisième division de handball. Alors qu'on suit toujours le Ballon d'Or, et on est en train de présenter les quatre derniers dans ce classement. On rappelle Antoine Griezmann, bien sûr, Kylian Mbappé, Luka Modric et Cristiano Ronaldo. Voilà, généralement on est sur un trio final, un podium, mais là on a rajouté Cristiano Ronaldo dans ce top 4. Et on est, je crois, au terme de cette soirée, au dénouement, puisque on est en train de présenter les quatre derniers. Et on devra annoncer dans la foulée le vainqueur. Je rappelle que cette cérémonie, vous pouvez suivre sur la chaîne L'Équipe. Hein, pour ceux qui voudraient suivre en direct cette cérémonie, ça se passe sur la chaîne L'Équipe. Voilà donc pour le handball, donc au niveau national, et puis donc du côté européen, où bien sûr on poursuit les Coupes d'Europe, notamment Montpellier, qui malheureusement s'est encore incliné et toujours dernier avec 3 points, et qui va avoir beaucoup de mal évidemment à se sortir de ce groupe. Ça semble quasi impossible maintenant. Et puis pour Paris et Nantes qui sont dans l'autre groupe, Paris victoire à domicile, Nantes match nul à l'extérieur. Paris toujours leader avec 3 points d'avance sur le deuxième en tête, et puis Nantes quatrième qui va plutôt bien aussi. D'autres rencontres samedi notamment, donc il y aura la confrontation entre Nantes et Paris dans cette Ligue des Champions. Samedi 18h, Montpellier jouera face au Barça, grand Barça, qui est leader, hein, ça semble très compliqué, 9 victoires, une seule défaite. Alors que je crois qu'on doit annoncer, on va suivre, puisque On annonce, je crois, le ballon d'or. Ça y est, c'est parti. On va rester en direct pour ce ballon d'or qui va être annoncé tout de suite. Attention, on est en direct de cette cérémonie du ballon d'or. Et c'est Luka Modric. Et oui, c'est Luka Modric qui donc est élu ballon d'or 2018, comme on pouvait s'y attendre un petit peu. Donc le Croate qui a été élu notamment meilleur joueur de la Coupe du Monde, meilleur joueur FIFA, qui avait remporté le titre meilleur joueur FIFA il y a quelques semaines, qui était l'un des gros titres après Ballon d'Or, meilleur joueur de l'UEFA aussi, meilleur joueur d'Europe, et donc qui mérite bien sûr ce Ballon d'Or. Comme aurait pu mériter aussi le ballon d'or Antoine Griezmann, mais ce ne sera pas pour cette année malheureusement pour le français. Et Luka Modric, rappelle, finaliste quand même avec la Croatie de cette Coupe du Monde et vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real. Voilà pour ce ballon d'or. Un peu déçu, mais voilà, c'est comme ça. On reviendra l'année prochaine, j'espère, pour Kylian Mbappé qui aura encore beaucoup d'occasions de la remporter. Pour Antoine Griezmann, ça semble peut-être plus compliqué, qui pourra difficilement faire une saison meilleure. Voilà, on espère que ça pourra quand même être le cas. Allez, on poursuit donc avec, on le disait, donc Montpellier, donc voilà, qui rejouera aussi samedi après-midi face au Barça, on l'a dit. En Ligue des Champions, donc handball, et puis chez les... Je rappelle, chez les femmes, bon, bien sûr, on ne joue pas puisque c'est l'Euro, mais pour l'instant, dans nos deux clubs français, Metz, qui est leader de son groupe, et Brest, qui est troisième, donc ça va repartir, bien sûr, prochainement, donc dans ce deuxième tour de Ligue des Champions. Chez les femmes, on en reparlera aussi après cet Euro, évidemment. Voilà pour le hand. On va marquer une pause. On reviendra sur cette cérémonie du Ballon d'Or aussi dans un instant. Et une pause pour revenir juste après. On va écouter... qu'est-ce qu'on va écouter? Dites-nous, si vous voulez écouter des choses, vous nous envoyez un petit message sur Facebook, Red Arc du Sport, et on vous passera tout ça en direct. Tout au long de cette soirée. Après, le programme, ce sera du basket. Donc, bien sûr, Orléans. On parlera d'Orléans. OLB, on parlera de la GPI, et on parlera de NBA aussi, un petit passage aux États-Unis pour faire le point après une semaine de compétition. Bien sûr, toutes nos coupes d'Europe. On reviendra aussi sur les résultats de la semaine. Du rugby, bien sûr, et puis du foot pour finir. Tout à l'heure. Allez, une pause. Et puis, on revient juste après ça pour la deuxième partie. Et on reviendra sur ce ballon d'or et sur nos autres directs. Bien sûr, de la soirée. Allez, c'est parti. Une pause avec Martin Solveig tout de suite. Et il est déjà 22h20, donc on va pas chômer puisqu'il reste pas mal de choses encore à voir. Et Martin Solveig, c'est ce titre qui part dans quelques secondes. Et puis juste après, donc retour sur ce ballon d'or. Ce n'est pas Antoine Griezmann, ce n'est pas Kylian Mbappé, c'est Luka Modric qui remportait ce ballon d'or. Bravo à lui, il mérite amplement ce titre. Et on en reparle juste après ça. Donc Martin Solveig, All Stars, à tout de suite. We are stars, we are one. We light up the night like a black sun. We all shine, we are chrome. And we are shimmering. Turn on, turn on. Come on, come on. Russell Bagel Stars à l'instant pour le second son de la soirée. On est de retour pour la seconde partie donc, après cette cérémonie du Ballon d'Or qui se termine donc avec donc cette ce titre pour Luka Modric qui s'est imposé. On a le top 4 donc qui vient d'être dévoilé. Avec donc deuxième place pour Cristiano Ronaldo finalement, qui aura terminé à cette seconde place. Antoine Griezmann troisième et Kylian Mbappé quatrième. Donc les Français malheureusement qui ne sont pas aux deux premières places. Et on espère que ça pourrait être le cas la saison prochaine, l'année prochaine. En tout cas, c'est Luka Modric qui qui remporte ce Ballon d'Or 2018. Allez, on enchaîne avec du basket. Basket est là aussi plein de choses, notamment avec la Jeep Elite. C'était la 12e journée, la 11e, pardon, qui s'est déroulée tout au long de la semaine dernière. Ça s'est donc notamment déroulé sur plusieurs jours. Et puis donc cette semaine, retour avec la 12e journée, donc on le disait, des matchs vendredi, samedi, en tête de son groupe, de son premier tour de qualification à l'Euro 2019, avec seulement une seule défaite pour 5 victoires, donc qui se qualifie pour le second tour, puisqu'on rappelle que là aussi c'est un format particulier, des qualifications qui jouent en plusieurs tours, en plusieurs groupes, et donc la France s'est qualifiée pour le second tour, hein, après avoir remporté le premier tour, et on aura l'occasion d'y retrouver aussi un petit peu plus tard, lors de nouvelles qualifications donc pour l'Euro. Voilà chez les femmes pour l'instant le point, et puis en Pro B bien sûr on revient sur l'OLB qui est très bien dans ce début de saison, on le rappelle, hein, qui est en tête de son classement avec égalité avec Rouen. On rappelle qu'il reste sur une victoire donc à Denain. Et donc sur le score de 73-63, il rejouera dans le cadre de la 8e journée de cette Jeep Elite vendredi, samedi les rencontres, samedi pour aller en réception de Lille qui est 13e, qui est un club très fort l'an passé mais qui est beaucoup moins cette année, qui est seulement 13e. Orléans doit profiter pour s'imposer donc au Palais des Sports d'Orléans samedi à 20h. On espère une victoire évidemment de cette équipe d'Orléans pour rester en tête. Du côté de Rouen qui est deuxième, enfin qui est plutôt à égalité avec Orléans. Même Rouen de son côté ira à Vichy qui est quatrième. Hein. C'est pas un match facile pour Rouen. Évidemment, on va pas leur souhaiter de s'incliner, mais ça arrangerait fortement Orléans. Et ce sera aussi ce week-end et vendredi par contre pour Rouen. Donc Orléans connaîtra le résultat de Rouen avant. Donc avant de jouer samedi. Voilà pour donc cette Pro B. Donc on était en trêve. Tout le monde reprendra la compétition ce week-end. Bien sûr après cette trêve et dans le même temps, on va aussi reprendre les coupes d'Europe puisque on était aussi sur les coupes d'Europe, sur les pauses en coupe d'Europe. Tout le monde repartira. Donc cette semaine ou la semaine prochaine, hein, on pense à Monaco dans l'Eurocoupe notamment, Monaco ou encore Limoges, l'ASVEL notamment, qui aussi ont engagé cette année dans cette Eurocoupe. Et puis en Ligue des Champions, même chose, hein, nos clubs français engagés vont reprendre la semaine prochaine la compétition. On aura encore une semaine de trêve, hein, Le Mans notamment. On pense au Mans qui est en engagé, le Nanterre, ou encore Dijon et Strasbourg qui sont les autres clubs dans cette Ligue des Champions. Donc on les retrouvera bientôt, hein, la semaine prochaine pour la suite de cette compétition. On reparlera de tout ça, un petit peu le point sur nos clubs français et puis chez les filles aussi. Même chose, on poursuit les rencontres cette semaine pour nos trois clubs français, Bourges, Villeneuve-d'Ascq notamment. Et puis évidemment Charleville qui sont les clubs engagés cette année dans cette Euroleague féminine. Et on aura l'occasion d'en reparler aussi bien sûr la semaine prochaine. Allez, on enchaîne avec un point NBA, un petit mot sur ce qui s'est passé tout au long de cette semaine. Il y a eu bien sûr pas mal de rencontres. On joue évidemment toutes les nuits du côté des États-Unis. Un petit bilan, un petit point sur cette saison régulière, bien sûr. Quelques résultats de la nuit dernière, il y avait 4 rencontres seulement. Donc au programme, Miami qui s'est imposé face à la Utah Jazz 102-100, victoire de Philadelphie face à Memphis, pardon. Un match au tableau, victoire donc de Philadelphie. Dallas s'est imposé face aux Clippers, qui était pourtant le leader donc de la conférence Ouest et qui a été battu. Et puis victoire des Spurs face à Portland 131-118, que des victoires à domicile. Et puis évidemment, on enchaînera cette nuit, on va en parler. Un petit mot du classement avant. Toronto est toujours en tête à l'Est, qui est sur un gros bilan, 20 victoires et 4 défaites seulement. Milwaukee, deuxième. Philadelphie, Détroit, Indiana, Boston, Charlotte et Orlando. Donc le top 8. Et à l'Ouest, bien sûr, le Denver est en tête. Alors le bilan est beaucoup moins impressionnant à l'Ouest. Denver, Clippers et Oklahoma sont quasiment égalité. 15 victoires et 7 défaites. On est loin des standards de Toronto. Golden State, 4e. Les Lakers, 5e. Memphis, Portland et Dallas, donc dans le top 8. Les Spurs sont seulement 13e de ce classement. Donc à l'Ouest. Cette nuit, on l'a dit, des rencontres. Notamment à partir d'1h du matin. Les Warriors iront défier Atlanta à l'extérieur. Les Cavs de Cleveland se déplaceront à Brooklyn à 1h30. Toronto recevra Denver. Et puis un match à 2h. Minnesota face à Houston. Tout ça à suivre, on rappelle, sur Bein Sport, les rencontres de cette NBA. Voilà le basket, le point qu'on peut en faire ce soir. On va parler de rugby. Le rugby, donc, avec le retour, après la trêve internationale, le retour de la du top 14, bien sûr. Alors, il y avait déjà une journée la semaine dernière en parallèle de l'équipe de France, mais cette fois, c'était une vraie journée de top 14 sans équipe de France, avec victoire de Clermont, qui continue de s'imposer à Montpellier cette fois. La victoire de Toulon, qui fait beaucoup de bien à Toulon. On rappelle qu'il n'était pas du tout dedans dans ce début de saison. Une victoire qui va évidemment faire beaucoup de bien aux Toulonnais. 22-3 face à Grenoble. Victoire de La Rochelle face au Racing. Victoire de Bordeaux à l'extérieur à Perpignan dimanche. Hier donc. Et Toulouse a cartonné face au Stade Français sur le score de 49-20. Le classement, bien sûr, Clermont toujours largement leader avec 41 points. Toulouse deuxième avec 38 points. La Rochelle troisième, 33 points. Lyon est quatrième. Le Racing, Bordeaux, Stade Français 8e. Montpellier, même Toulon 10e qui remonte, 19 points. Pau 18 points. Agen 17 points. Grenoble 15 points. Et puis Perpignan qui va vivre une saison très compliquée, très longue, qui a été battu une nouvelle fois, donc on l'a dit, face à Bordeaux. Et 4 points à dernière place. Toujours aucune victoire au compteur pour cette équipe de Perpignan, qui donc évidemment vit une saison très compliquée pour l'instant. Voilà donc ce classement au top 14. Prochaine journée, évidemment la 12e, ce sera ce week-end. Ce sera dans 15 jours, puisqu'on a le retour, il faut suivre, de la Coupe d'Europe. Les Coupes d'Europe qui repartent pour 15 jours, pour 2 journées, donc toujours par 2 en ces journées de Coupe d'Europe. Donc une qui commencera vendredi, samedi, dimanche, et bien sûr une le week-end suivant, avant de retrouver top 14, donc juste avant Noël. Donc on rappelle Toulouse notamment. Toulouse, Castres, Lyon, le Racing 92, Toulon et Montpellier engagés dans cette grande Coupe d'Europe, l'European Champions Cup. Et puis les autres clubs français sont engagés dans l'European Challenge Cup, qui est la deuxième Coupe d'Europe. Donc 7 équipes dans chaque compétition, puisque les 14 sont engagés. Donc évidemment, c'est la fin donc de la cérémonie du Ballon d'Or. On rappelle les résultats. Le Ballon d'Or remporté par Luka Modric, qui s'impose devant Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Kylian Mbappé est 4e, Messi 5e. Chez les femmes, Ada Egerberg, la Norvégienne qui évolue à Lyon, est sacrée ballon d'or féminin. Et puis c'est Kylian Mbappé qui a remporté le trophée. Raymond Kopa qui récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans, donc bravo à lui. Et évidemment, il aura largement le temps, lui, d'en gagner des ballons d'or. Et on espère que ça va pouvoir arriver prochainement pour lui. On va poursuivre donc avec quoi ? Eh ben, le rugby, donc ça y est, on en a parlé avec ces Coupes d'Europe qui reviennent ce week-end. Évidemment, on l'a dit. Et puis, du tennis, ben, on l'a dit, c'était terminé. Hein. La saison qui a refermé ses portes avec la Coupe Davis, hein, on en a parlé. Et puis, bien sûr, on aura l'occasion de reparler de tennis très vite, hein, dans 2-3 semaines. C'est reparti pour les premières exhibitions. Et puis ensuite, ben, début janvier, c'est reparti pour les débuts de la nouvelle saison. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Du foot, ce sera le dernier sujet donc de cette émission dans quelques secondes. On espère Jérôme qui sera avec nous pour l'évoquer. Le programme, il est simple. Le Tour d'Europe, c'est nos championnats étrangers, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre. Et puis bien sûr, la France pour finir, Ligue 1 et Ligue 2. La Ligue des Champions, évidemment, et Ligue Europa, c'était la semaine dernière. On va faire le bilan de nos clubs français. Qui peut encore se qualifier? Qui ne peut plus se qualifier, bien sûr, chez les Français? Et puis, bien sûr, on terminera, si Jérôme est avec nous, par les pronostics du loto-foot, puisqu'il y a deux journées, d'autant plus cette semaine, à pronostiquer. Donc pas mal de choses, 22h36 déjà, ça va vite s'enchaîner. Donc on va marquer une petite pause musicale et on se retrouve juste après. On revient sur notre direct, ça se termine presque un peu partout, notamment en Ligue 2, il reste quoi, 10 minutes ouais, c'est ça, entre Auxerre et Lorient. 10 minutes sur 0-0, match assez fermé. En Espagne, c'est pas fermé puisque Levante a marqué 3 fois 3-0 face à Bilbao, qui dont en plus ça a été réduit à 10, ça va pas arranger les choses, il reste un quart d'heure. En Allemagne, c'est fini, match nul entre Nuremberg et le Bayer Leverkusen, un partout, on verra le classement tout à l'heure. En Italie, c'est fini aussi, Napoli s'est finalement imposé à Bergame 2-1 après un but en fin de match 85e de Milik. Pour le Napoli qui s'impose donc, et puis c'est tout côté direct. Tout à l'heure, si un match de basket, on l'a dit, qualification à la Coupe du Monde chez les hommes, la France a battu la Bulgarie 77-53 et donc était déjà qualifiée en plus pour le mondial, mais qui s'est assis un peu plus sur la tête du classement. Voilà nos directs de la soirée. Une pause, et on l'a dit juste après, ce sera le foot. On va faire plein de choses. On espère Jérôme pour revenir avec nous, surtout sur la Ligue 1 et la Ligue 2, par là d'Orléans, évidemment. Et puis, dites-nous encore une fois, si vous avez des envies de son, vous nous le dites. Le Facebook est là pour ça. Un petit message sur le Facebook. Sinon, un petit message pour nous dire, est-ce qu'on peut parler de ça? Ben, on va en parler, pas de souci. Un sport que vous avez vu ce week-end, du local, pourquoi pas. Dites-nous si vous avez envie de parler peut-être de ce qui s'est passé cette semaine en foot, en local, ou pour évoquer autre chose, vous nous le dites sur le Facebook, ou bien même par téléphone, vous nous passez un petit coup de fil et on passe en direct. 02 38 434 800 pour le son, c'est Niagara avec Checky Boom, ce titre 85. On écoute ça et on revient après pour la troisième partie. Il est 22h39. A tout de suite sur Arc-en-Ciel. Tu verras, on est bon. Niagara, Checky Boom pour le son, 22h42 et on est de retour pour cette troisième partie. C'est donc le foot tout de suite au programme. On rappelle bien sûr qu'on a suivi tout à l'heure la cérémonie du Ballon d'Or et c'est Luka Modric qui a été élu meilleur joueur du monde, donc qui a remporté ce Ballon d'Or. Avec donc une deuxième place pour Cristiano Ronaldo et puis donc Antoine Griezmann en bas du podium à la troisième place et puis c'est Antoine Griezmann qui est quatrième donc de ce Ballon d'Or France Football. Voilà pour les Français. On aura aussi, on en reparle de la septième place de Raphaël Varane et puis derrière on a 15e place, on répète, pour Paul Pogba, Karim Benzema 17e et puis on l'a dit, Hugo Lloris 29e dernier de ce classement. Voilà donc pour ce Ballon d'Or. Et puis chez les femmes, on répète que c'était tout à l'heure, on en a déjà parlé, le Ballon d'Or féminin pour Ada Hegerberg, la Norvégienne qui évolue à l'Olympique Lyonnais, et puis bien sûr Kylian Mbappé qui remporte le Ballon d'Or, enfin le trophée Copa, qui récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans, le meilleur joueur de 21 ans. Voilà pour le rappel de ce Ballon d'Or. On poursuit avec donc du foot, bien sûr. On va refaire un point sur ce qui s'est passé à l'étranger dans les grands championnats européens, donc tout au long de ce week-end. Un point d'abord en Bundesliga, l'Allemagne, pour évoquer toujours le Borussia Dortmund qui cartonne. Dortmund qui s'impose 2-0 face à Fribourg. Tout va bien toujours pour Dortmund, notamment Marco Reus en buteur. Le Bayern qui s'impose à l'extérieur au Werder 2-1, un peu plus de mal pour les Munichois qui s'impose finalement 2-1. Et puis la défaite du Borussia Mönchengladbach, deuxième, qui a été inclinée à Leipzig 4ème 2-0. Tout à l'heure, le Bayer Leverkusen a été tenu en échec à Nuremberg 1 partout. Classement en Allemagne, c'est Dortmund qui est toujours en tête, toujours invaincu, on le rappelle, en Europe, 33 points. Le Borussia Mönchengladbach est deuxième, 26 points. Leipzig, troisième, 25 points. Bayern, quatrième, 24 points. Francfort, cinquième, 23 points. En bas, Stuttgart, Hanovre et Düsseldorf sont relégables. L'Italie avec le Calcio, avec notamment une nouvelle fois la victoire de la Juve 3-0. Et notamment un but de Cristiano Ronaldo sur penalty. Chiellini et Bénincourt sont les autres buteurs. Pas de but côté de la Finlande, mais 6 cartons jaunes quand même. Beaucoup de manque de discipline sur cette rencontre. Et 3-0 pour la Juve. La victoire du Milan, c'est 2-1 face à Parme. La victoire, on l'a dit tout à l'heure, du Napoli face à Bergame dans les dernières secondes, 2-1. Des matchs nuls pour la Lazio au Chievo-Vérone, un partout. Le nul de l'Inter face à la Roma, 2 partout. Donc dans cette 14e journée. Classement, la Juve toujours également vaincue à 40 points. Le Napoli, 32 points. 3e, l'Inter, 29 points. Le Milan AC, 4e, 25 points. Le Lazio, 5e, 24 points. La Roma chute à la 8e place avec 20 points. En bas, Bologne, Frosinone et Chievo-Vérone, dernier avec 2 points. Toujours loin de cette zone de non-relégation. En Espagne, c'était la Liga, bien sûr, la 14e journée également. Avec une seule victoire à l'extérieur, elle est à mettre au crédit de Leganés qui a été s'imposé à Valladolid. Que des victoires à domicile ou des matchs nuls autrement. Le Real a battu Valence sur le score de 2-0, avec notamment un but de Vasquez. Le Barça fait la même chose, 2-0 face à Villarreal. Piqué, notamment, qui marque un but. Séville, leader, a été faire un but partout à Alavés, 4e. Et puis, on l'a dit en direct, c'est Levante face à Bilbao, 3-0 toujours. Et il reste quelques secondes, quelques minutes, 3-4 minutes. Auxerre-Lorient, Ligue 2, 0-0. Là, on est dans le temps additionnel. On poursuit avec le classement de cette Liga. Avec le Barça qui a repris la tête avec 28 points. Séville, deuxième avec 27 points. L'Atlético, troisième, 25 points. Alavés, 24 points. Le Real, cinquième, 23 points, qui est plus très loin maintenant. En bas, Bilbao, le Rayo Vallecano et Huesca sont donc les relégables. On termine l'Angleterre, la première ligue évidemment, avec ici aussi la 14e journée. Ça démarre samedi avec la victoire de City, hein. Toujours en forme, 3-1, victoire face à Bournemouth, les Citizens, notamment grâce à Silva, Sterling et Gundogan s'imposent 3-1. Le match nul de United à Southampton, 2-0. Pourtant, c'est Lukaku qui avait Herrera qui avait permis à Manchester d'être devant, mais c'est finalement match nul de partout. Chelsea s'impose logiquement face à Fulham dernier, 2-0. Et puis Arsenal face à Tottenham, le choc de cette journée, 4-2 victoire d'Arsenal après un match fou. Et c'est la Lacazette notamment qui a permis à Arsenal de passer devant après un doublé d'Aubameyang. Ça fait une victoire 4-2 dans un match fou. Et puis Liverpool a enfin battu Everton 1-0 en toute fin de match, un but un peu casquette d'ailleurs d'Origi. Ça fait victoire de Liverpool au classement, avec un succès important de Liverpool qui du coup revient à deux longueurs de City. City premier avec 38 points, Liverpool 36 points, les deux clubs toujours invaincus, hein, on rappelle. Donc les équipes invaincues en Europe, City, Liverpool, la Juve, Dortmund et évidemment, on l'a dit, Paris. Troisième place, Chelsea 31 points, qui est déjà un peu plus loin. Arsenal 4ème 30 points, Tottenham 5ème 30 points, United 7ème seulement avec 22 points, Southampton, Burnley, Fulham sont pas très très loin en bas, qui voilà, qui sont pas très loin de sortir de cette zone rouge assez serrée en bas de tableau. Ça c'était pour évidemment l'étranger. On va revenir en France tout à l'heure évidemment pour évoquer la Ligue 2 et la Ligue 1. Ce sera avec Jérôme, je l'espère, dans quelques minutes. Un point aussi sur les Coupes d'Europe aussi. Ligue des Champions, Ligue Europa, on va y revenir avec Jérôme. Ligue 2, Ligue 1, ce sera évidemment au programme aussi. Et puis on rappelle que... tiens, un petit résultat aussi avant d'évoquer autre chose. Donc, la Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, c'était un match en retard des 16e de finale entre Nîmes et Saint-Etienne qui avait lieu mardi dernier. C'est Nîmes qui s'est imposé au tir au but. Saint-Etienne, un partout après le temps réglementaire et 4 tirs au but à 2 pour les Nîmois qui se qualifient et qui du coup affronteront à l'extérieur l'équipe du Havre mardi prochain. Le suivant. On rappelle, on a les affiches complètes. Mardi 18, Le Havre-Nîmes à 20h. Orléans-Paris donc à 21h. Voilà, donc il n'y aura que deux rencontres ce soir là. Mercredi, Amiens-Lyon à 18h45. Puis 21h, Marseille-Strasbourg, Rennes-Nantes, Dijon-Bordeaux, Nîmes-Guingamp et Monaco-Lorient. Voilà donc les affiches de ces 8e de finale. Donc Orléans recevra Paris 18 à 21h. Et on rappelle que les places sont à vendre samedi matin. Enfin, samedi, oui, à partir de 11h, au guichet du stade de la Source. Allez-y, 2000 places en vente seulement. Ça va aller très très vite. 2 places par personne. Il faut y aller très tôt pour récupérer les places pour cette affiche. Donc, des 8e de finale qui sera diffusée notamment sur Canal+, voilà, pour ceux qui n'auront pas eu la chance d'avoir des billets. Voilà la Coupe de la Ligue pour ce petit point. On va marquer une pause donc et on va revenir pour les compétitions européennes, Ligue 1, Ligue 2 et puis Jérôme, je l'espère, pour justement évoquer tout ça avec nous dans les 5 minutes qui suivent. On marque une pause tout de suite et on revient juste après. C'est un son qu'on passe tout de suite. On va écouter. On va écouter quoi ? Eh bien, je ne sais pas. On va écouter. On a déjà écouté la semaine dernière. On va pas écouter. C'est pareil. Dites-nous. On a eu plein de propositions tout à l'heure. On a mis pas mal de choses, mais dites-nous si vous voulez qu'on passe quelque chose d'ici la fin de l'émission, c'est le moment. Si, on va écouter Calvin Harris et Sam Smith pour ce titre que l'on passe tout de suite. Le temps que tout ça se mette en place, c'est parti pour Sam Smith, Calvin Harris. Ça part dans 3 secondes, c'est parti. Normalement. 100% fantasy. Growing up in the Bronx, you have to carry this tough skin. Ah, c'est pas la bonne version, on va juste revenir sur la version classique sans les petites paroles derrière et on va revenir ensuite pour revenir sur tout ça. C'est parti donc pour Calvin Harris, Sam Smith, Promise et dans un instant on revient pour le reste du foot. À tout de suite. Décidément on va pas y arriver, c'est encore pas le bon son. Cette fois, c'est parti. A tout de suite. Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love. So tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Is it loud enough? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing along. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promise avec Sam Smith, Calvin Harris pour le son retour pour ce qui sera la dernière partie de l'émission. Malheureusement, nous n'aurons pas Jérôme pour évoquer cette dernière partie. On va revenir sur les directs avant de continuer. C'est fini partout. Auxerre-Lorient 0-0 en Ligue 2. En Espagne, Levante Bilbao 3-0. En Allemagne, Nuremberg, Bayern, Leverkusen, 1 partout. En Italie, Naples s'impose 2-1 à Bergame. Voilà pour le direct de la soirée. Donc on poursuit avec le foot, bien sûr, les Coupes d'Europe. Et Paris qui, bien sûr, y croit plus que jamais après cette victoire face à Liverpool 2-1. C'était mercredi soir. Cette victoire des Parisiens au Parc des Princes. Bernat d'abord ouvre la voie aux Parisiens, puis Neymar qui permet à Paris de mener 2-0. Et puis c'est Milner sur penalty qui va réduire l'écart. Mais plus de buts en seconde période. Paris s'impose et se remet dans la course à la qualification, bien sûr, après ce succès. Dans le même temps, Naples a été battu Belgrade, pardon, l'étoile rouge, 3-1. Le classement serré, hein. Naples 9 points, Paris 8 points, Liverpool 6 points, Belgrade 4 points, un match nul face à Belgrade, je vais y arriver. Mardi prochain, un déplacement en Serbie suffira aux Parisiens, même une défaite pourrait suffire. Ça dépendra bien évidemment du goal à Verrage et de Liverpool qui se reçoit Naples. Tout ça dépendra de cette rencontre. Bien sûr, en tout cas, tout va pas trop mal pour Paris, hein, qui se remet en course. Monaco, pas de surprise, a été battu à Madrid à l'Atlético 2-0. Notamment un but d'Antoine Griezmann. Le second, après l'ouverture du score de Coquet. Monaco, éliminé de toute Coupe d'Europe, n'aura plus l'opportunité de se qualifier pour la suite, pour la Ligue Europa, puisque Bruges a fait 0-0 face à Dortmund et donc et n'est plus accessible pour Monaco. Monaco recevra Dortmund pour l'honneur la semaine prochaine et Tico déplacera Bruges. Classement 12 points pour Madrid, 10 pour Dortmund, 5 pour Bruges, un seul point pour Monaco, un point qui avait été pris face à Bruges, match aller. Le Barça qualifie 13 points et sûr de finir en tête. Tottenham et Inter 7 points se joueront la deuxième place à distance dans le groupe B. Le groupe C, c'est Paris, on vient d'en parler. Le groupe D, Porto est qualifié aussi, il finira en tête. Schalke finira deuxième. Galatasaray et Moscou joueront la troisième place qualificative pour la Ligue Europa. Le Bayern est en tête, l'Ajax deuxième. Les deux sont qualifiés mais se disputeront la première place lors de leur rencontre d'ailleurs. Ajax-Bayern, ce sera l'affiche. Bayern, un match nul suffira. Si l'Ajax s'impose, l'Ajax finira premier, Benfica troisième et ne sera plus rejoint par l'AEK Athènes qui sera dernier de ce groupe. Lyon qui a fait aussi une bonne prestation face à City 2 partout. Malheureusement, Lyon qui menait 2-0, Lyon qui a mené deux fois mais était rejoint à chaque fois, et Lyon malgré tout est deuxième avec 7 points, City 10 points, et Shakhtar Donetsk 5 points. Lyon jouera son avenir en Ligue des Champions à Donetsk en Ukraine la semaine prochaine. Manchester City recevra Hoffenheim. Tout peut se jouer, mais Lyon peut aussi encore terminer en tête. Ça va être compliqué mais c'est possible, il s'agira déjà de finir cette deuxième place. Le Real qualifié est normalement premier, sauf catastrophe. 12 points, 9 points pour la Roma. La différence de but est énorme en faveur du Real. Il faudrait une catastrophe. La Roma devra s'imposer largement et le Real devra s'incliner largement, mais c'est possible. Pilsen, Moscou, 4 points, se disputeront la troisième place. C'est fini pour la deuxième. La Roma y restera. Et enfin, le groupe H, la Juve et United sont qualifiés. Les deux se disputeront la première place à distance, puisque United ira à Valence, Turin ira à Berne. Valence finira troisième quoi qu'il arrive, et Berne est éliminé aussi de toute compétition. Ça c'est donc pour la Ligue des Champions. La semaine prochaine, les dernières journées en Ligue Europa, c'est pas terminé pour nos deux derniers clubs français. Marseille c'est déjà fini, on l'a dit depuis un petit moment. Bien sûr, on l'a dit déjà depuis la dernière journée. En revanche, c'est pas terminé pour Bordeaux ni pour Bordeaux ni pour Rennes, hein, qui peuvent toujours se qualifier. Rennes à 6 points après son succès à Jablonec, à 2 points de retard sur Astana. Rennes recevra Astana d'autant plus la semaine prochaine en domicile, donc une victoire suffira à Rennes pour se qualifier. Kiev devrait a priori finir en tête, Donc Rennes peut se qualifier. Voilà, elle a son destin entre ses mains. Il suffira donc juste, c'est déjà beaucoup, mais il suffit d'une victoire au Rennais pour se qualifier. Donc ça, c'est encore possible. Marseille, donc pour l'honneur, recevra Limassol pour essayer de ne pas finir dernier. Ça semble compliqué, mais c'est encore possible pour les Marseillais, qui sont quand même assez loin. Et puis enfin, Bordeaux aussi, qui s'est permis de croire à la qualification. C'est plus compliqué pour Bordeaux, qui devra dans un premier temps s'imposer à Copenhague, le jeudi prochain, qui est juste dans 5 points, et espérer une défaillance de Prague, qui reçoit le Zénith, qui est en tête et qui est sûr de terminer première place, donc qui pourra potentiellement faire tourner, d'autant plus que c'est à l'extérieur. Mais il faudra compter sur ce succès de Saint-Pétersbourg. Et Bordeaux devra s'imposer aussi à Copenhague. C'est plus compliqué pour Bordeaux, qui peut toujours y croire malgré tout, qui s'est donné les chances d'y croire après son match nul face au Zénith, face à Prague, pardon, jeudi dernier. Voilà le point en Ligue Europa, deux possibilités de qualification. La même chose en Ligue des Champions, c'est bien parti pour Paris. Pour Lyon, c'est plus que jouable. Et puis pour Rennes aussi, pour Bordeaux, peut-être un peu moins, mais rien n'est joué. Voilà la Ligue et des Champions, la Ligue Europa. La Ligue 2, c'était. Donc tout à l'heure, on l'a vécu, le premier match donc en avance de la 17e journée. Puisque cette semaine, nous jouerons deux matchs, deux journées. Donc, Auxerre l'a lancé tout à l'heure 0-0. D'abord, les résultats de la 16e journée qui avait lieu ce week-end. Notamment, la nouvelle défaite d'Orléans. C'est dommage, face à Nancy 2-1, qui était dernier avant la rencontre. C'est une défaite d'Orléans. Victoire de Brest 2-0 face à Ajaccio. Lorient lance 2-2. Pas de vainqueur dans ce choc. Et puis, samedi, Grenoble-Metz 1-1. Là aussi, pas de vainqueur. Dans le choc, Metz toujours leader 35 points, Brest deuxième 34 points, Lorient a loupé le coche troisième 30 points, Lens quatrième 28 points, Orléans retombe à la 11e place avec 23 points, Châteauroux juste derrière avec 21 points en bas, Sochaux 14 points, Nancy 11 points, le Red Star passe à la dernière place avec 9 points. On l'a dit, cette semaine deux journées, donc à partir de dès ce soir, c'était tout à l'heure Auxerre, Lorient c'était le premier match, et puis tous les autres matchs demain 21h. Orléans se déplace à 3 qui est 8e. Notamment Brest ira à Lens, Metz le leader recevra le Red Star à Lanterne Rouge, le choc des extrêmes. Et puis Ajaccio recevra Nancy notamment dans le bas de tableau. Ça ce sera demain. Et puis autre journée vendredi, Orléans recevra l'AC Ajaccio qui donc on rappelle est 17e. Là aussi ce serait très intéressant de s'imposer donc lors de cette affiche. Et puis d'autres matchs bien sûr vendredi, samedi Clermont-Lens, lundi prochain Valenciennes-Metz, affiche qu'on suivra bien sûr, que l'on suivra en direct. Ça c'est donc la Ligue 2. Orléans 11e, donc 23 points, qui reste sur une petite série moyenne, 4 matchs sans victoire, et on espère que ça va aller mieux dès demain, donc avec le déplacement à 3 en Ligue 2. Donc la Ligue 1 pour terminer avec les résultats de la 15e journée. Ça a démarré vendredi avec la victoire large des Stéphanois face à Nantes 3-0. Samedi, Lille-Lyon, c'était un match de haut de tableau, beau match avec match nul, 2 buts partout. C'est Lille qui menait 2-0 pourtant, après début de l'écrémie de Nicolas Pépé. Puis Lyon qui a réussi à revenir en fin de rencontre, Traoré d'abord, puis Dembélé en fin de match. Lyon qui prend un point face à Lille. Monaco qui rechute à une défaite face à Montpellier 2-1. Monaco menait pourtant grâce à Tielemans avant la pause, et qui avait l'occasion, qui aurait pu prendre faire le break après une barre de Golovin. Puis finalement Montpellier qui revient à la 81e puis à la 86e. Défaite de Monaco, et Montpellier qui va toujours aussi bien. Dans cette Ligue 1, Guingamp-Nice 0-0, Nîmes victoire face à Amiens 3-0, nouveau match nul entre Angers et Caen, pardon, 1-1, deux matchs nuls encore dimanche, Toulouse-Dijon 2-2, Marseille-Reims 0-0, victoire de Strasbourg large à Rennes 4-1, et puis premier accro pour Paris, tenu en échec à Bordeaux 2-2, pourtant Paris a mené par deux fois. D'abord grâce à Neymar, 34e. Jimmy Briand qui a amené les deux équipes à égalité. Mbappé à l'heure de jeu, c'est Cornelius qui égalise à 84e. Pardon. Ça y est, Paris qui perd ses premiers points dans cette saison, qui voit sa série de succès s'arrêter à 14. C'est déjà beaucoup. Et puis, point plus négatif pour Paris, c'est donc la sortie sur blessure de Neymar à la cuisse. On ne sait pas encore la gravité de cette blessure. Voilà, donc beaucoup de nuls, hein, 5 nuls, pas moins de 5 nuls dans cette journée, ça arrive. Et puis le classement, donc Paris, bien sûr, en tête toujours 43 points, ça n'enlève rien son classement, mais voilà, qui n'est plus sur une série de succès. Montpellier, 2e, 29 points, Lyon, 3e, 28 points, Lille, 4e, 27 points, Marseille, 26 points, Saint-Etienne, 26 points également, Bordeaux, 11e, 18 points. En bas, on retrouve Caen 13 points, Dijon 13 points, Amiens 13 points, Monaco 10 points et Guingamp dernier avec 8 points. Cette semaine à nouveau, deux journées, tout comme la Ligue 2. Demain, c'est Monaco qui ouvrira le bal à Amiens. Et dans le même temps, il y aura Nice-Angers. À 21h, c'est Montpellier-Lille. Belle affiche, hein. Très belle affiche de cette journée, hein, entre ces deux équipes, hein, on rappelle notamment Montpellier est premier, Lille est quatrième, donc belle affiche de cette journée. Mercredi, donc on aura les autres affiches, Nantes-Marseille, Reims-Toulouse, Lyon recevra Rennes, Bordeaux-Saint-Etienne, Strasbourg-Paris pour clôturer cette journée. Puis la 17e, ce sera ce week-end, Monaco-Nice pour ouvrir le derby d'Azur. Samedi, Paris recevra Montpellier. Là aussi, belle affiche pour Paris. Pour Montpellier, deux gros matchs, hein, dans la semaine. Lille puis Paris. Rennes-Dijon, Toulouse-Lyon. Et dimanche, notamment, Saint-Étienne-Marseille. Et Lille recevra Reims donc, pour cette 17e journée de Ligue 1. Et puis, il ne restera plus que deux journées avant la trêve déjà. On va vite y arriver à cette trêve, évidemment. Et notamment, on aura un Marseille-Bordeaux la semaine prochaine. Voilà le programme de la semaine. Donc, pas mal de choses, hein, deux journées cette semaine. Et puis, évidemment, on aura tous les résultats la semaine prochaine. Les pronostics qu'on fera en off et on pourra vous présenter la semaine prochaine. On annonce juste la victoire de Jérôme sur la 15e journée, qui s'impose 5 points à 3, qui arrête l'hémorragie après 5 défaites de suite, et voilà, qui s'impose sur cette journée. Et on va pronostiquer donc ces deux journées en off, et puis on fera le point la semaine prochaine. Voilà, cette semaine, le point donc football, l'agenda, donc on en parle tout de suite. Avec les choses à suivre, donc on vient de le dire, donc deux journées cette semaine, demain et mercredi. Et puis donc dès vendredi, samedi, dimanche la Ligue 1, la Ligue 2 c'est pareil, ça va démarrer ce soir, il y aura des matchs demain, puis vendredi et samedi, donc on aura Orléans qui va se déplacer à 3 demain soir et qui recevra, on l'a dit, l'AC Ajaccio vendredi soir au stade de la Source. Ça c'est donc pour le foot. Du rugby, nouvelle journée de top 14, non, nouvelle journée de Coupe d'Europe, pardon, ce sera tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche, tous les clubs français joueront. France 2 pour les rencontres de ces clubs français. Du basket, on l'a dit, la JP Elite reprend après une semaine de trêve, ce sera ce week-end. En Pro B, Orléans, bien sûr, va jouer après aussi une trêve. Recevra Lille samedi au Palais des Sports à 20h. Soyez-y. Je ne sais pas si on s'en dit, soyez-y. Si, je crois. En tout cas, ça va être une belle affiche. Donc, allez-y, voilà, c'est mieux. Donc, le Palais des Sports samedi à 20h pour le basket. Pas de Coupe d'Europe cette semaine, mais de la NBA évidemment. Du handball, évidemment, avec un match pour les matchs pour la JP Elite, bien sûr, bah, qui vont continuer, hein, tout au long de ce mois de décembre. On poursuivra avec une nouvelle journée de JP Elite. De Lidl Star League, pardon, donc cette semaine. Et puis, donc, pour du côté de Saran, on l'a dit, il y avait deux matchs donc la semaine dernière, Saran qui rejouera vendredi un déplacement. Donc vendredi, c'est ça, vendredi pour la 12e journée. Et puis après, il y aura une semaine sans rencontre, puisqu'on reprendra que la semaine suivante, le 20, à domicile. Mais sinon, là, il y a un déplacement pour Saran, donc dans cette Pro League, qui va se déplacer pour essayer d'enchaîner après deux défaites. Il y a eu un succès, pourquoi pas un nouveau succès. Donc ce sera un déplacement à Strasbourg, hein, qui est 13e avant-dernier. Donc une seule victoire. Deux victoires, pardon, seulement depuis le début de la saison, qui serait intéressant d'aller s'y imposer pour lancer une série. Donc ce sera vendredi à l'extérieur pour les Saranères. Chez les filles, eh bien, c'est l'Euro qui se poursuit, bien sûr. L'Euro toute la semaine encore. Demain, les Françaises joueront face au Monténégro pour espérer finir. Non, peut-être pas en tête du classement, mais au moins cette deuxième place. Et ça durerait une bonne place ensuite dans le second tour de cet Euro. Donc toute la semaine, bien sûr, les Françaises. Donc du côté donc, du handball, du basket, on vient de le dire. Et puis, bien sûr, il y aura toute la saison de ski qui va se poursuivre. Ski alpin cette semaine. Biathlon cette semaine. On a plein de choses. Toujours la première étape à Pokchuka. Martin Fourcade et les autres skieront tout au long et tireront tout au long de la semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, toutes les compétitions à partir de mercredi. La chaîne L'Équipe qui va diffuser tout ça. Donc l'individuel, les individuels, les sprints et les poursuites de mercredi à dimanche sur la chaîne L'Équipe. Allez-y, c'est très, très sympa. Et c'est la saison qui reprend. On est ravis de l'avoir reparti cette saison. Ça démarre déjà très bien pour les Français qui ont porté le relais mixte hier et qui tenteront de faire aussi bien un individuel cette semaine. Voilà le programme de la semaine. On rappelle qu'on a suivi ce soir la cérémonie du Ballon d'Or. C'est Luka Modric, le Croate, qui a été élu donc meilleur joueur de l'année 2018, qui évolue au Real Madrid, qui a remporté notamment la finale, qui a remporté la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du Monde. C'est son premier Ballon d'Or France Football. Sur le reste du podium, Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Kylian Mbappé est quatrième et remporte lui le trophée Copa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. Et puis chez les femmes, Ada Egerberg, sacrée, la Norvégienne qui évolue à Lyon, a été elle élue meilleure joueuse de l'année. Cinquième place pour enfin finir pour Lionel Messi chez les hommes. Voilà cette cérémonie de 2 minutes qui se clôture. Et si, hein, on n'en a pas parlé, mais bien sûr, l'équipe de France, avec une actualité concernant les éliminatoires de l'Euro 2020 qui ont été tirés, ce tirage de sort qui avait lieu samedi à Dublin. La France qui connaît ses adversaires, son groupe, un groupe à 6 équipes. La France donc jouera notamment face à l'Islande, la Moldavie, l'Andorre, la Turquie et l'Albanie, donc un groupe à 6. Les matchs qui auront lieu donc de mars à novembre prochain. Voilà, donc mars à novembre prochain, ça démarrera face à la Moldavie pour l'équipe de France le 22 mars prochain. Voilà, donc les adversaires sont connus. L'équipe de France qui devra se sortir de ce groupe. On rappelle que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés, donc il y a une marche quand même. Donc au sein de ce groupe H, voilà, on aura l'occasion de s'en reparler. Et puis le tirage au sort du Final Four de la Ligue des Nations aussi a eu lieu. Le Portugal jouera face à la Suisse et ce sera les Pays-Bas qui joueront face à l'Angleterre pour les demi-finales de cette Nation League qui aura lieu du 5 au 9 juin prochain, ce Final Four. Ça se déroulera au Portugal. Guimarães et Porto, notamment les deux lieux de ces demi-finales et finales, donc pour désigner le premier vainqueur de cette Ligue des Nations. Portugal-Suisse, Pays-Bas-Angleterre. Voilà pour être complet sur ça. Et puis on va se quitter avec un dernier titre. Et bien sûr, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle émission. On va écouter. Tiens, qu'est-ce qu'on va écouter? Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté. On va se quitter avec ça et On revient bien sûr la semaine prochaine. Les Daft Punk pour finir avec qu'est-ce qu'on écoute? Il y en a plein. Allez, avec celle-ci. Celle-ci ou je sais pas. Il y en a trop. Si on va écouter, mais allez, on va écouter celle-ci. C'est parti. On écoutera peut-être pas tout parce qu'elle est très longue, mais on va écouter une partie déjà. C'est les Daft Punk. I Want the World. Pour terminer, 23h17, on se quitte avec ça et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 21h30 pour un nouveau numéro de la Rédaction Sport. D'ici là, vous pouvez écouter le replay et le podcast sur Facebook dès demain, peut-être même dès tout à l'heure. Hein. Et d'ici là, donc bonne semaine à vous et bon courage. Ciao, bye bye, vive le sport sur Arc-en-Ciel. Around the world. Around the world.